Retenir, Sinful states. Father, we say, have mercy on us. Lord, forgive us for what we do, for what we say. Father, we bless you. Thank you for grace. Thank you for mercy. Thank you for the blood. Father, thank you for forgiveness. Thank you for life everlasting. Father, thank you for salvation. In the name of Jesus. Father, we give ourselves to you tonight. And Father, we ask you to bless us. We ask you to heal us. We ask you to deliver us. We ask you to show us the way. Father, we ask you to give us wisdom. In the name of Jesus. Father, we bless you. We honor you. And everyone say amen. Amen. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Hallelujah. Amen. Are you happy to be here? Êtes-vous content? Can we clap ici? For the choir? Applaudissons pour la chorale. Hallelujah. Amen. You know the song? Est-ce que vous connaissez la chanson? In English. En anglais. You know English? How do you sing it? Comment est-ce qu'on chante ça? Who doesn't know? Qui ne connaît pas? Who doesn't know? Qui ne connaît pas? Breathing, I give to you. We holding nothing. Withholding nothing. We put in nothing, I surrender all to you. Oh, everything I give to you. We hold in nothing, we hold in nothing. We are not keeping anything. We hold in nothing. We are giving all. We hold in nothing. I surrender all to you. Everything, everything I give to you. We hold in nothing. We hold. Part is what I give you all of me. I give you all of me. I give you all of me. I give you all. I give you all of me. I give you all of me. Oh, I give you all of me. Je m'abandonne. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, je te le donne. I give my all. I give you all of me. I give you all of me. Oh, give you all of me. I surrender. Hallelujah. Are you glad? Êtes-vous content? Are you blessed? Êtes-vous béni? Hallelujah. Tonight we want to share something. Hallelujah. Ce soir nous voulons partager quelque chose. Hallelujah. Amen. And I believe you'll be blessed. Je crois que vous serez béni. Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous ici? Yeah. Tonight I think the message is for ladies. Ce soir, le message est pour les filles, les femmes. And the men can also can be blessed. Les hommes aussi peuvent être bénis. Hallelujah. Amen. Ah, the Kodesh people are coming. Hallelujah. Amen. Daughter. Get understanding. Ma fille acquiert l'intelligence. Hallelujah. Amen. Get understanding. Acquiert l'intelligence. Amen. Amen. Will you get understanding? Vas-tu acquérir l'intelligence? Hallelujah. Proverbs chapter 4, verse 7. Proverbes chapitre 4, verset 7. Hallelujah. Amen. Proverbs chapter 4, verse 7. Are you there? Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. But all thy getting, get understanding. Wow. Proverbe 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Hallelujah. Amen. It's a scripture that you shouldn't forget. C'est un verset que vous ne devez pas oublier. Hallelujah. Amen. Everyone, don't forget this scripture. Tout le monde, wisdom is the principal thing. La sagesse est la chose therefore, principale. Get wisdom. Donc, acquiert la sagesse. And in all that I get, with all that I get in, get understanding. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Hallelujah. Amen. Are you with me? Mm-hmm. Yeah. When you have two people, quand vous avez deux personnes, one understands the subject. Une personne comprend le sujet. And the other one doesn't understand. Et l'autre ne comprend pas. There's a difference. Il y a une différence. Hallelujah. Amen. And you can see the different decision that they take. Et vous pouvez voir la différence dans les décisions qu'ils prennent. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. And so, if God is asking us to get wisdom, donc si Dieu nous demande d'acquérir la sagesse, and what all our getting, we should get understanding. Et dans tout ce que nous possédons, nous devons acquérir l'intelligence. It means that it's very important. Ça signifie que c'est très important. Hallelujah. Amen. Daughter, tonight we say get understanding. Donc ma fille, ce soir, je te dis acquiert l'intelligence. Hallelujah. Amen. Man, are you with me? Êtes-vous avec yeah. Moi? Get understanding. Acquiert understand. L'intelligence. Comprends. Understand who you are. Comprends qui tu es. Hallelujah. Amen. As a woman, as a daughter. En tant qu'une fille. En as tant a qu'une girl. Femme, en tant qu'une fille. As a lady. En tant qu'une you demoiselle. Know, there's a difference between those all those appellations. Il y a une différence entre toutes ces appellations. Hallelujah. Amen. Huh? Amen. Yeah. So tonight, get understanding. Donc ce soir, acquiert l'intelligence. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Get understanding. Acquiert l'intelligence. As a woman. En tant qu'une femme. Wow. Wow. Because I realized that a lot of people don't have understanding. Parce que j'ai réalisé que beaucoup de personnes n'ont including pas l'intelligence. The boys. Y compris les garçons. Including the boys, the men. Y compris les hommes. Yeah. We don't have understanding. Ils n'ont pas l'intelligence. We don't understand. Nous ne comprenons pas. We don't know. Nous ne savons pas. And one of the things that can get understanding is when you read. Et l'un des moyens par lesquels vous pouvez avoir l'intelligence, c'est par la lecture. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. But the reason why it's particular, I say, daughter, get understanding because. Mais c'est particulièrement fille acquiert l'intelligence parce que. When we look at life, the life of a woman and a man. Parce que quand nous regardons la vie d'une femme et celle d'un homme. Women have a lot of problems. Les femmes ont beaucoup de problèmes. A lot, not problem, a lot of issues. Pas problème, mais de nombreux issues. And we'll see why. Et nous allons voir pourquoi. Why are you happy? Pourquoi est-ce que tu es content? Hallelujah. Amen. Genesis chapter 3. Genèse chapitre 3. Genesis chapter 3. Genèse chapitre 3 verset 13. Hallelujah. Chapter 3, verse 13. And the Lord said unto the woman, what is that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did eat. And the Lord said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field, and upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. And it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. And unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow shalt thou bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Genèse chapitre 3, à partir du verset 14. L'Éternel dit au serpent, à partir du verset 13, l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié en toi et la femme, en ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Hallelujah. Amen. Forgive. Hallelujah. Amen. Yeah, so you can see from this passage. Donc vous pouvez voir par ce passage. There are lots of difficulties that are like curses. Il y a beaucoup de difficultés qui sont comme des malédictions. Hallelujah. Amen. No, they are like curses. They are actually curses because God cursed a woman. Ce sont réellement des malédictions car Dieu a maudit la femme. God cursed a man. Dieu a maudit l'homme. God cursed the serpent. Dieu a maudit le serpent. And God cursed a woman. Et Dieu a maudit la Hallelujah. Femme. Amen. And when you look at the curse of a woman, it has a lot of issues in. Et quand vous regardez les malédictions de la femme, il y a beaucoup d'issues à l'intérieur. Hallelujah. Amen. And so, with the woman getting understanding of some of these issues, donc si la femme comprend certains de ces issues, it reduces some of the difficulties that they go through. Ça va réduire certaines difficultés par lesquelles elle passe. Hallelujah. Amen. Because when you take for example, it said, "In sorrow that shall bring forth children." Vous prenez par exemple l'exemple de dans la douleur tu enfanteras. Hallelujah. Amen. Because of that small phrase. À cause de cette simple phrase. Hallelujah. Amen. That curse. Cette malédiction. When you look at all the hospitals, vous regardez tous les hôpitaux. A bigger site, a big place. Il y a un grand endroit. Hallelujah. Amen. A big aspect of the hospital. Un grand aspect de l'hôpital. That is devoted for women. Qui est dédié aux femmes. Because of that case. À cause de cette malédiction. Yeah. Amen. There you go. Quand vous y allez. Yeah, specialist. Yeah, specialist for women. C'est spécialement pour les femmes. Because of this curse. À cause de cette malédiction. Hallelujah. Amen. Do you understand what I'm saying? Vous comprenez? So when you understand them, donc quand tu les comprends, God gives you wisdom. Dieu te donne la sagesse. And to know how to maneuver. Et savoir comment and manœuvrer. To know how to live. Savoir comment vivre. Hallelujah. Amen. And to know how to reduce some of this curse, the effect of this curses on your life. Et savoir comment réduire l'effet de ces malédictions dans ta vie. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? Yeah. Yeah. Yeah. Wow. Wow. And from this passage, we see some few things that we need to learn as women. Et dans ce passage, nous voyons certaines choses que nous devons apprendre en tant que femmes. When you look at verse 13. Quand vous regardez le verset 13. The Bible says that the Lord said, "What is this that has done?" And the woman said, "The serpent beguiled me." Et l'Éternel dit à la femme, "Pourquoi as-tu fait cela?" La femme répondit, "Le serpent m'a séduite." Hallelujah. Amen. Beguile. Séduire. One of the things that women, the weaknesses you have, or one of the things that prevent you from moving forward. L'une des choses qui vous empêche d'aller à l'avant en tant que femme. You are easily beguiled. Vous êtes facilement séduite. You are easily deceived. Vous êtes facilement trompée. Men can easily deceive you. Les hommes peuvent facilement vous tromper. They can come from small words. Ils peuvent venir avec des petites paroles. You are dying. Et tu meurs. Yeah. Easily. Facilement. Easily. Facilement. Hallelujah. Amen. You are easily deceived. Tu es facilement trompée. Is it true or is not true? C'est vrai ou c'est faux? Get understanding that you are easily deceived. Acquiert l'intelligence. And so you should not allow yourself to be easily deceived. Donc tu ne dois pas te permettre d'être facilement trompé. Is somebody getting understanding this evening? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acquiert l'intelligence ce soir? Yeah, you are easily deceived. Between you and man, you are easily deceived. Trompé. En toi et un homme, tu es facilement trompé. Do you know that? Est-ce que tu sais ça? Yeah. If you know it, then you know how to behave. Si tu sais ça, donc tu sauras comment te comporter. Are you learning something this evening? Est-ce que vous apprenez quelque chose ce soir? Wow. Easily deceived. Facilement trompé. Yeah. That's why Paul said the woman should not be the leader. Voilà pourquoi Paul a dit que la femme ne doit pas être le leader. Somewhere the Bible is saying that they shouldn't even preach. Quelque part dans la Bible, on dit qu'ils ne doivent même pas prêcher. C'est ce que Paul disait. Yeah. Because he's saying that a woman was first deceived before the man. Parce qu'on dit que la femme était trompée avant l'homme. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah, so get understanding. You are easily deceived. Donc acquiert l'intelligence. Tu es facilement trompé. Wow. That's why I say the wisdom is the principal thing. Alors pourquoi on dit la sagesse get est la chose wisdom. Principale. Acquiert la and sagesse. And get understanding. Et acquiert l'intelligence. Wow. Wow. Are you here? Êtes-vous ici? Wow, wow. 1 Timothy chapter 2 verse 11. 1 Timothée 2 verset 11. 1 Timothy chapter 2. Are you there? Are you opening your Bible? Or are you using tablet so we can't hear? 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2. Wow. Tell the nearest sister. Dis à la sœur la plus proche. Sister, get understanding. Sœur, acquiert l'intelligence. Sister, get understanding. Sir, acquire l'intelligence. Are you getting understanding? Est-ce que vous acquérez l'intelligence? 1 Timothy, chapter 3, chapter 2, chapter 3, chapter 2, verse 10, verse 11. Read it in French because I have the French here. 1 Timothy, chapitre 2, verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Verse 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Uh-huh. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Verse 15. Elle sera néanmoins sauvée et en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Wow! Have you seen? Avez-vous vu? Yeah. It's not the man, the Adam who was deceived though. It's the woman who was deceived. C'est pas l'homme qui a été trompé, c'est la femme qui a été trompée. Hallelujah. Amen. So you are easily deceived. Donc tu es facilement trompé. And you know, it's a paradox. C'est un paradoxe. Because women easily believe in God. Parce que les femmes croient facilement en Dieu. They believe in the things of God. Elles croient dans les choses de Dieu. Yeah. Women. Les femmes. Yeah. Sometimes you go to a church, even today there are a lot of women here. Parfois, je m'en rends compte dans l'église, même ici, il y a plus de femmes. Are there many? No, the men are more than the men. Women. Because even this church is only women. So already they are more than women. Yeah. Sometimes when you go to a church, you see that there are more women than men. Parfois, quand vous allez dans les églises, vous voyez qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Women believe easily. Les femmes croient facilement. Yeah. The man you talk. Ah. L'homme, tu vas parler. Ah. They are hard, they are stubborn. Ils sont durs, ils sont têtus. Ils ne vont pas écouter. But the woman will say, oh, yeah, pastor, I understand, I will do it. Mais la femme va dire, ok, pasteur, je comprends, je le ferai. Easily believe in God, in the things of God. Et croire facilement en Dieu et en ses choses, dans les choses spirituelles. But easily they are also deceived. Mais facilement, elles sont aussi tentées quand ce sont les mauvaises choses. Yeah, when it's a bad thing, they also believe easily. Quand ce sont aussi les mauvaises choses, elles croient facilement. Wow. It's wonderful. C'est merveilleux. It's wonderful. C'est merveilleux. Yeah, you can see a woman right now. The Spirit of God will fall upon the woman will fall under the power of the Holy Spirit. Vous pouvez voir tout de suite le Saint-Esprit va descendre. Une femme va tomber sous le pouvoir du Saint-Esprit. Yeah, but the man will stand there. Mais l'homme sera va se tenir debout. Because he doesn't believe. Parce qu'il ne croit pas. He doesn't believe. Il ne croit pas. Hey. It's not easy. C'est pas facile. Hallelujah. Amen. Yeah. It's beautiful when you see women believe the things of God. They want to do it. They will come. C'est beau quand vous voyez les femmes croire aux choses de Dieu. Elles veulent le faire. Et elles vont venir. Hallelujah. Amen. They believe in the Holy Ghost. Elles croient au Saint-Esprit. They believe in the power of God. Elles croient à la puissance de Dieu. They believe in the healing power of God. Elles croient à la puissance they de guérison de miracles. Dieu. Elles croient aux miracles. Yeah. Men, they logic. Les hommes vont utiliser la logique, les calculations, les calculs. What word are you bringing to us? Is it Larousse or what? Please, we beg you. Vous utilisez les calculs. Yeah, because God, you know, the Bible says that the just shall live by faith. Parce que vous savez, la Bible dit que le juste vivra par la foi. The things of God. We need to believe the things of God. Les choses de Dieu, nous when devons you start y to croire. Make calculations, you won't believe. Quand tu commences à faire les calculs, tu ne vas pas croire. Yeah. But women, easily, they can always easily believe the things, spiritual things. Mais les femmes vont facilement croire whether aux choses it makes sense or not. Que ça ait du sens ou pas. Yeah. But the other side, mais l'autre côté, is that they believe the wrong thing easily. Elles croient aussi en mauvaises choses facilement. Yeah. It's bad. C'est mauvais. But get understanding. C'est mauvais, mais acquiert l'intelligence. Know that you can be deceived. Sais que tu peux être trompé. Yeah. A man can easily deceive you right now. Un homme peut facilement te tromper tout de suite. Yeah. Right now. Tout de suite. Just speak some verb. Il va juste parler quelques verbes. And see that you are lost. Et tu vas voir que tu es perdu. Yeah. You are lost. Tu es perdu. Hallelujah. Amen. Are you getting understanding, daughter? Est-ce que vous acquérez l'intelligence? Are you getting understanding? Est-ce que vous acquérez l'intelligence? Yeah, get understanding. Acquérir l'intelligence. Yeah, the second thing we need to understand in this passage is that Satan is enmity to the woman. La deuxième chose que vous devez comprendre par ce passage, c'est que Satan est ennemi à la femme. Yeah. Satan is working against you. Satan travaille contre vous. It's your enemy. C'est votre ennemi. Yeah, I don't know why God said Satan, there's enmity between the serpent and the woman. Je ne sais pas pourquoi Dieu a dit qu'il y a une inimitié entre le serpent et la femme. Yeah. And so he's enemy of all of us. Il est l'ennemi de nous tous. Of a woman, of men and women, everybody. De la femme, de l'homme, de tout le monde. But he has is more against the woman. Mais c'est plus contre les femmes. Yeah. More. Plus. More. Plus. Hallelujah. Amen. Are you with me? Es-tu avec moi? That's why you need to be spiritual. Voilà pourquoi tu as besoin d'être knowing spirituel. That Satan is working against you. Sachant que Satan travaille contre toi. Amen. Are you there? Yeah. So he said, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. And it shall bruise your head, and thou shalt bruise his heel. Verset 15 dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Hallelujah. Amen. This explains why women have a lot of problems, a lot. Cela explique pourquoi les femmes ont beaucoup de problèmes, beaucoup. And the enemy will use it. Et l'ennemi va les utiliser. Il va les utiliser. Hallelujah. Amen. You understand? Est-ce que vous comprenez? You get understanding now? Est-ce que vous comprenez maintenant? That's why you can't sleep without praying, no? Voilà pourquoi tu ne dois pas dormir sans prier. You can't wake up just moving around without praying. Tu ne peux pas te lever et juste te balader sans prier. Satan is working against you. Satan travaille contre toi. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous là? Yeah. The third thing. La troisième chose. The curse of desiring husband. La malédiction de désirer un who mari dominate over you. Qui va dominer sur toi. When you fall in love with a man, vous savez, quand vous tombez amoureuse d'un homme, it's a curse, oh. C'est une malédiction. Do you know that? Est-ce que vous savez ça? It's a curse. C'est une malédiction. Ah, why didn't you see? Read it. Verse lisez. What? Lisez. Didn't you see? Est-ce que vous n'avez pas vu? Verse 16. And thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Verset 16. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. So, oh, I'm in love. Donc, je dis, oh, je suis amoureuse. I love him. Je l'aime. When I see him, quand je le vois, my heart is moving. Mon cœur se balade. I can't sleep without je ne peux pas dormir hearing his voice. Sans écouter sa voix. A curse is working. La malédiction agit. You see that we dominate because he's the head. Donc tu vas voir qu'il va dominer parce qu'il est la tête. Sit down, yeah, you sit down. Il va te dire assois-toi et tu don't vas t'asseoir. Go, you can't go. Il va te dire ne va pas et tu ne peux pas partir. Yeah, in marriage. Dans le mariage. And some of you who are dominating the girls when you haven't married a girl, be careful. Et ceux d'entre vous qui dominez les filles quand vous ne les avez pas encore mariées, faites attention. Yeah, because here is husband and wife. It's not. See, what is it? They said the desire of women desiring their husband. On parle du désir de la femme désirant son mari. And he will rule over the woman. Et il va dominer sur la femme. Yeah, because I remember some time ago. Parce que je me souviens auparavant. There's some boy, be some boy. Il y avait un garçon. Who came to? Who was in relationship with a girl in the church? Qui était en relation avec une fille dans l'église. Yeah, just here. Just here at, ici. Plainpool. À Plainpool. Yeah. The guy has locked the girl in the room. Le gars avait enfermé la fille dans la chambre. And nobody can see the girl. Et personne ne pouvait voir la fille. You can't even call. He's taking the girl's phone. Tu ne peux même pas appeler parce qu'il a pris le téléphone de la femme. He hasn't paid the bride price. Oh. Il n'a pas encore payé le prix, la dot. He has impregnated the girl. Il a enceinté la fille. And he has locked the girl in the room. Il a enfermé la fille dans la chambre. Nobody can see her. Personne ne peut la voir. Domination. La domination. Yeah. Be careful, so you boys, if you take some girl and put the girl in the room, les garçons, and say that the pastor cannot see the girl, be careful. Et vous dites que on ne peut pas voir la fille. Faites attention. Because you say that, oh, the Bible says that man shall rule over the woman, so. Parce que vous dites que la Bible dit que l'homme doit dominer sur la femme, donc. Hein? Just a relationship. Juste une relation. You are so possessive, you possess the girl. Tu es tellement possessif, tu possèdes la fille. Be careful, oh. Fais attention. But girl, daughter, are you getting understanding? Mais fille, est-ce que vous acquérez l'intelligence? That no boy should rule over you. Que aucun garçon ne doit dominer sur toi. Yeah. I remember sometimes because some girls they said they go to the boy's house and they are going to wash 10 jeans. Je me souviens auparavant il y avait une fille qui disait qu'elle allait dans la maison de son garçon et elle allait laver 10 jeans. Wash the boy's jeans. Elle lavait les jeans du garçon. Who has not paid your bride price? Qui n'a pas payé la dot? You shouldn't do that. Tu ne dois pas le faire. You shouldn't do it because he hasn't paid the dowry. Tu ne dois pas le faire parce que tu n'as pas payé la dot. He hasn't married you. Il ne t'a pas marié. So he can't rule over you. Donc il ne peut pas dominer sur toi. Do you understand what I'm saying? Hey Charlie, the boys, they are getting angry with me. Les garçons sont en train de se fâcher contre moi. Where's Buka? Buka, today you have to guard me. Where's Buka? Today they will beat me. Today they will beat me, Buka. Today when aujourd'hui we close, on you have to guard me. Buka, quand on termine, tu dois me garder. the boys will beat me up. Parce que les hommes vont me frapper. But daughter, are you getting understanding? Mais les filles, est-ce que vous acquérez une intelligence? Are you getting understanding? Est-ce que vous acquérez une intelligence? Don't be afraid of any boy. N'aie pas peur de quelqu'un de garçon. At the right time, you get somebody to marry. Au temps convenable, tu auras quelqu'un à épouser. Refuse to wash his things. Refuse de laver ses choses. Refuse to go and do market for him. Refuse d'aller faire le marché pour lui. Yeah, refuse. Refuse. Refuse. Refuse. Hey, should I continue? You know something? The curse. Vous savez quoi, la malédiction? This curse, particular curse. Cette malédiction en particulier. It starts when you marry. Ça commence quand tu te maries. Yeah. So why do you want to fulfill the curse before you marry? Pourquoi est-ce que tu veux accomplir la malédiction avant même de te marier? Why do you want to suffer before you start suffering? Pourquoi veux-tu commencer à souffrir avant le temps? Because when you marry, domination, he will rule over you. Parce que quand vous allez vous marier, il va dominer sur toi. So don't start now. Donc ne commence pas maintenant. Oh, Raissa. Ou bien Raissa. Is it a good word? Est-ce que c'est une bonne parole? No, I didn't say Raissa. I didn't say Raissa. Mais je n'ai pas dit Raissa. I'm just mentioning her name. Je mentionne juste son nom. Hallelujah. Amen. Are you blessed? Êtes-vous béni? Yeah. But it's a curse, oh. Mais c'est une malédiction. It's a curse. C'est une malédiction. Yeah, it's a curse. If you get that understanding, donc acquiert l'intelligence. Yeah, you let somebody who has the right to rule over you marry you. Yeah, if you get that understanding. Si tu acquiers cette intelligence, tu vas te laisser dominer par une personne qui va te marier. Yeah. You can't just let yourself, this one rule over you before you marry, this one rule over you before you marry, this woman. Then you are moving from one person to another. That they all rule. Tu ne peux pas te laisser comme ça. Celui-là va dominer sur toi, celui-là va dominer sur toi, celui-là va dominer sur toi, et tous vont dominer sur toi. Yeah. Hallelujah. Amen. Yeah. Yeah. Don't allow yourself to go into a man's house who has not married you, then you are going to wash the dishes he has eaten. He hasn't washed the things. They are there. His things are dirty. He hasn't washed for 1 month. Then you are going to wash and do. Who told you to wear? Who taught you that? Ne te permets pas d'aller chez un garçon qui ne t'a pas épousé pour aller chez lui, arranger ses choses, laver les habits, laver les assiettes qu'il n'a pas lavé depuis 1 mois. Qui t'a appris ça? Hein? Who taught you that? Qui t'a appris ça? It's in the Bible. It's not in the Bible. Est-ce que c'est dans la Bible? C'est pas dans la Bible. Hallelujah. Amen. Yeah. Yeah. And the desire, you know, the desire for a man. Vous savez, le désir pour un homme can be frustrating. Peut être frustrant. Or? Ou bien? Very frustrating for women. Très frustrant pour les femmes. Yeah. And you know, so women, they are. You see, women has taught 60 years, 70 years. Vous savez, women who has 60 years, 70 years. Les filles qui ont 16 ans, 17 ans. 60. Hein? Soixante-dix ans. It's not girls or men. Les femmes qui ont 60 ans, 70 ans. Yeah, they desire to marry. Elles désirent se marier. Oh. Ou bien. Have you seen some before? Vous n'avez pas encore vu auparavant? Yeah. No matter the state of a woman. Quel que soit le statut de la femme, the age, quel que soit l'âge, no matter what, quel que soit quoi, a woman always desire to marry. Une femme désire toujours se marier. Yeah. Yeah, last week, la semaine passée, one of our mothers got married. L'une de nos mères s'est mariée. Yeah, in Gabon. Au Gabon. One of our mothers got married. L'une de nos mères s'est mariée. And she was very happy. Elle était très contente. So she was desiring. Tu vois qu'elle désirait. Yeah. So that's the curse. Donc c'est ça la malédiction. Till the woman dies at 90 or 100. Jusqu'à ce que la femme meure à 100 ans ou 90 ans. The curse will always be there, desiring a man. La malédiction sera toujours le désir pour un homme. Hallelujah. Amen. Yeah? That's why the girl, that's why you sleep around. Voilà pourquoi vous couchez autour. Because you desire the guy. Parce que tu désires le In garçon. In the name of you love the guy. Dans le nom de que tu aimes le garçon. The guy says he wants to leave you. Le gars dit il veut te quitter. And so you want to, oh, I want to give myself to you. Don't leave me. Don't leave me. Take me. Take me. Donc tu dis, oh, je veux donner à toi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Yeah. Yeah. Yeah. And you see that he will use you. Et tu vas voir qu'il va t'utiliser. He will not even marry you. Il ne va même pas te marier. Somewhere. Yeah. Yeah. Is it true or not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah. Many girls are forced in their heart, they don't want to have sex, but they are forced to have sex because of that curse. Beaucoup de femmes n'ont pas envie d'avoir des rapports sexuels, mais elles sont forcées de les avoir à cause de cette malédiction. Yeah. Are you getting understanding? Est-ce que vous acquérez l'intelligence? So that when the disaster comes, you say, "Tiens les curses, tais-toi, tais-toi." Donc ça veut dire que quand la malédiction vient, tu vas dire, malédiction, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Yeah. Amen. Yeah. Are you with me? Amen. Wow. The fourth thing, la quatrième chose, that we need to understand here, que nous devons comprendre ici, multiply sorrow, des douleurs multipliées, multiply sorrow, des douleurs multipliées, yeah, verse 16, and I will greatly multiply thy sorrow and thy conception, and in sorrow shalt thou bring forth children. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Alléluia. Amen. Yeah. Yeah. Those who have given birth, you they can attest to you. Celles qui ont déjà accouché peuvent vous témoigner cela. 9 months. 9 mois. Yeah, some of the women, when they get pregnant, the first month. Des femmes, quand elles sont enceintes, le premier mois. They will suffer for 9 months. Elles vont souffrir pour 9 mois. Suffer. Some of them, they have to even lie down in the hospital for 9 months. Certains d'entre elles doivent même dormir à l'hôpital pendant 9 mois. Yeah, because they can have marriage. Parce qu'elles peuvent avoir une fausse couche. Yeah. Suffering, sorrow. La souffrance, la tristesse. Yeah. Sorrow. La tristesse. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah, moi? A woman, you should know. Une femme, tu devrais you should savoir. Understand. Tu devrais comprendre. Multiply sorrow. Les douleurs augmentées. Yeah. And as I was saying, that's why they have big sessions of the hospital. It's for only for women. Voilà, comme je disais, qu'il y a des grandes sessions dans les hôpitaux. C'est juste pour les femmes. Only for women. Built for women. Juste because pour of les this femmes. Case. Construit pour les femmes, juste à cause de cette malédiction. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah, moi? That's why you should value your mother. Voilà pourquoi tu dois valoriser ta mère. Value your mother. That's why, as you're a man. Voilà pourquoi, en tant qu'homme, you have to value women. Tu dois valoriser les femmes. You can't just maltreat them that, just like that. Tu peux pas juste les maltraiter comme ça. Yeah. Who said okay? Qui a dit okay? Il a dit. Okay, he will be a good husband. A il good sera husband. Un bon mari. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. I value my mother. Je valorise ma mère. Yeah. My mother has given birth to 10 children. Ma mère a donné naissance à 10 enfants. 10. Hey, sorrow. Plenty sorrow. Beaucoup de tristesse. Sorrow. Pain. Amen. Beaucoup de douleur. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. And the third thing, or the fifth thing. Fifth, et la cinquième chose. The sinful nature. Une nature pécheresse. Yeah. Sinful nature. Une nature pécheresse. Yeah. Your nature is sinful. Your body is sinful. Ton corps est a une nature pécheresse. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Women, we are easily with our bodies. We can easily sin, and we can easily call people to sin. Les femmes avec nos corps, on peut facilement pécher et on peut facilement amener les autres à pécher. Yeah. Yeah. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? I wanted to say something, but je voulais dire quelque chose, mais. You know, as a lady, vous savez, en tant que fille, don't expose your body. N'expose pas ton corps. Keep your body for your husband. Garde ton corps pour ton mari. Dress properly. Habille-toi correctement. Yeah. Don't be a strange woman. Ne sois pas une femme étrangère. Are you with me? Yeah. You should be able to. Tu dois être capable de le faire. Yeah. You shouldn't expose your even your brassiere. People shouldn't see the color of your brassiere. Même ton sous-vêtement, on ne doit pas voir la couleur de ton soutien-gorge. Yeah. Yeah. You understand? It's my wife who. My wife doesn't want to let any. You can't see. You shouldn't let people see. C'est ma femme qui m'a appris ça. Elle ne veut pas laisser une partie. In town, then you expose your brassiere. Everybody will see that. Oh, you are wearing yellow brassiere. You are walking around. Parce que quand tu vas en ville, tu exposes ton soutien et tout le monde va voir que tu as porté un soutien jaune. I'm trying to say that you should cover yourself so much that we don't even see what kind of this thing you are wearing. Ce que je veux dire, c'est que tu dois te couvrir de telle sorte qu'on ne peut même pas voir la couleur de ton soutien. Yeah. That's as much as you should cover yourself. C'est à ce degré-là que tu dois te couvrir. Do you understand? Est-ce que tu comprends? Yeah. They shouldn't see above your knee. On ne doit pas voir au-dessus de tes genoux. They shouldn't see. On ne doit pas voir. Yeah. I remember when the choir called a collegono. They would say, lady, uniform. The skirt shouldn't be above your knee. Je me souviens, un collègue, on disait, les filles de la chorale, vos jupes ne doivent pas être au-dessus des genoux. Yeah, shouldn't be above your knee. Ça ne doit pas être au-dessus des genoux. Do you understand? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce avec moi? Yeah, because you have your flesh. Your flesh is sinful. Parce que ta chair est pécheresse. Yeah. Hallelujah. Mm-hmm. Is it a proper word? Est-ce que c'est un mot correct? Well done, pécheresse or pécheresse. Ah, okay. Pécheresse. Okay. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? And the sixth thing, the weakness of a woman. Et le sixième chose, c'est la faiblesse de la femme. The woman is the weaker vessel. La femme est le vase faible. Yeah. In 1 Peter chapter 3 verse 7. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Let's read it. Lisons. Oh, I'm closing soon. I'm closing soon. Hallelujah. Are you with me? First Peter 3:7. First Peter. Have you found it? If you found it, read it. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à vos tours de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Amen. Yeah. Man, are you learning something? Les hommes, est-ce que vous avez have you seen the scripture? Est-ce que vous avez vu le verset? Likewise, ye husband, dwell with them with according to knowledge, giving honor unto their wife, as unto the weaker vessel. Okay, and as being heirs together of the grace of life, but that your prayers be not hindered. You know what I'm saying? Yeah. For a man, your prayers will not be answered. Pour un homme, tes prières ne seront pas exaucées. If you have something against your wife. Si tu as quelque chose contre ta femme. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Oui. This is the scripture that when it happened, I say, please forgive me, my wife, forgive me. Ça, c'est le verset qui fait en sorte que quand ça arrive, je dis, s'il te plaît, ma femme, pardonne-moi. Yeah, it's the scripture. C'est ce verset. Because when I have something against it, when I pray, God will not listen to me. Parce que quand j'ai quelque chose contre elle, si je prie, Dieu ne va pas m'écouter. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? So that your prayers will not be hindered. Afin que tes prières ne soient pas... Afin que tes prières soient... Hallelujah. But before then, it said the woman is the weaker vessel. Mais avant ça, on dit la femme est le vase le plus faible. Yeah, weak. You are weak. Faible. Tu es faible. Tu es faible. Men are always dominating the women. Les hommes dominent toujours beating les femmes. Beating them. Les frappant. Yeah. Maltreating them. Les maltraitant. Yeah. It's bad, men. C'est mauvais, les hommes. It's bad. C'est mauvais. Yeah. Some time ago, somebody told me that in Gabon or in Congo, when they beat in Congo, eh? In Gabon, when they the women they believe that when they beat them, then it's what? It's love. Récemment, on m'a dit, un garçon m'a dit qu'au Gabon ou au Congo, je ne sais pas, mais quand on frappe les femmes, elles se sentent aimées. When I beat you, then I love you. When I beat you, then I love you. That's what it means. C'est ça? Quand je te frappe, c'est que je t'aime. Is that what it means? C'est ce que ça veut dire. Is it true? Where are the Gabonese? Where are the Gabonese? Où sont les Gabonais? Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est faux? Maureen, where you live is not true. Moïse, où in your tu hometown, vis, c'est where pas you vrai. Are, in your, it's not true. It's not true. Hey, but they told me, oh. Some women, they like it. That's, we call it stupidity. On appelle ça la stupidité. How can somebody beat you and say that when I beat you, then the person loves you? Comment quelqu'un peut te frapper et tu dis que quand la personne te frappe, c'est que la personne t'aime. Hallelujah. But you must know as a woman that you are the weaker vessel. Mais tu dois savoir en tant que femme que tu es le vase le plus faible. And the men, you have to know that your wife is a weaker vessel. Et les hommes, vous devez savoir que vos femmes sont les vases les plus faibles. Et donc, vous ne devez pas maltraiter vos femmes. Vous devez les protéger. Hallelujah. Amen. Protect. Well, that's what the Bible says. Protéger, c'est ce que la Bible dit. Dwell with them with a knowledge. Giving them honor. Give honor to your wife. You should honor your wife. And protect your wife. Men, honorez-les. Are you there? Et protégez-les. When you marry, quand vous vous protect mariez, your wife. Protège ta femme. Honor your wife. Honore ta femme. Yeah, because she's weak. Parce qu'elle est faible. Hallelujah. Amen. Is it a good idea? Est-ce que c'est une bonne idée? Okay. Because man is wicked. Parce que l'homme est méchant. Hallelujah. Amen. Yeah. Man is wicked. Amen. L'homme est méchant. Forgive. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah. Yeah. Yeah. You know, many women live in unhappiness. Plusieurs femmes vivent dans la tristesse. Many women cry. Plusieurs femmes pleurent. Many women live in frustration. Beaucoup de femmes vivent dans la frustration. Hallelujah. Mm-hmm. Because of some of these curses. À cause de certaines de ces malédictions. Because of these things that the Bible, God placed upon their lives. À cause de ces choses que Dieu a mis sur leur vie. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah, but there is hope. Mais il y a l'espoir. Amen. Amen. Yeah, there's hope. Il y a l'espoir. That's why you are a woman with direction. Voilà pourquoi tu es une femme avec direction. If you are here tonight, you are a woman of direction. Si tu es ici ce soir, tu es une femme de direction. Why do I say that? Pourquoi est-ce que je dis ça? Because you have God. Parce que tu as Dieu. Yeah, God placed a curse on us, but He shows us the way out. Dieu a mis une malédiction sur nous. Il nous montre aussi le chemin de sortie. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? And so what do we need to do? Donc qu'est-ce que nous devons faire? To be a woman of understanding. Pour être une femme intelligente. Hallelujah. Amen. A woman with wisdom. Une femme avec sagesse. What do you need to do? Qu'est-ce que nous devons faire? There are two things. Il y a deux choses. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthians. 1 Corinthiens. Are you here? Êtes-vous là? Let's all read it. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthiens 1. Verse 24. Verset 24. Okay. Amen. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Is it finished? Yeah. Oh, have you finished? Read it again, because I didn't hear. Verset 24. Mm-hmm. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Hallelujah. Amen. Christ, the power of God, and the wisdom of God. Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. So the first key out to get understanding or to get wisdom. Donc la première clé pour s'en sortir. To be able to live above those curses être capable de surmonter ces malédictions, is to get wisdom. C'est acquérir la sagesse. It's get the power of God. Savoir la puissance de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you with me? Amen. Daughter, get understanding. Ma fille, acquiert l'intelligence. Yeah. The power of God and the wisdom of God. La puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Yeah. Yeah. You need the wisdom. Tu as besoin de la sagesse. To help you. Pour t'aider. Ecclesiastes chapter 10. Ecclesiastes chapitre 10, verset 10. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Ecclesiastes 10, 10. Ecclesiastes 10, 10. Okay. If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to more strength. But wisdom is profitable to direct. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler des forces, mais la sagesse a l'avantage du succès. Hallelujah. Amen. So wisdom is there to direct you. Donc la sagesse est là pour te diriger. Hallelujah. Amen. To make you a woman of direction. Pour faire de toi une femme de direction. Amen. Amen. Who knows what to do, what time? Qui sait quoi faire à quel Who moment? Who knows how to overcome these cases? Qui sait comment surmonter ces malédictions? Hallelujah. Amen. Who knows how to behave before relationship, after relationship, in marriage? Qui savent comment se comporter avant la relation, pendant la relation et dans le mariage? Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. A lot of people don't have wisdom. Plusieurs personnes n'ont pas la sagesse. Girls, beaucoup de filles. Girls, les filles. Girls, les filles. You know, Bishop always used to say something. Vous savez, Bishop a l'habitude de dire quelque chose. That the girl's body grows faster than her mind. Que le corps d'une fille grandit plus vite que sa pensée. Yeah. I tell you, 12, 13, then all the things are coming out. Une fille a 12, 13 ans et toutes les choses sont en train de sortir. And she doesn't know what to do with them. Et elle ne sait pas quoi faire avec. And a boy will come. Et un garçon va venir. To show you what to do. Pour te montrer quoi faire. Then you too, you don't know what to do. Et toi aussi, tu ne sais pas quoi faire. Hey. Hey. It's serious. C'est sérieux. Yeah. I'm very. Yeah, your body grows faster. Ton corps grandit plus vite. Faster. Plus vite. And look, so when you look in the, into the mirror, donc quand tu regardes le miroir, you are confused. Tu es confuse. Yeah, confused. Confuse. Now when we go to Francophone country, it's very sad. Maintenant quand tu vas dans les pays francophones, c'est très triste. Yeah, you can't find a girl, a virgin girl. Tu ne peux pas trouver une fille vierge. Because 10 years, 12 years, you've started having sex already. Parce que 10 ans, 9 ans, ils ont commencé à avoir des rapports sexuels. For lack of understanding. À cause du manque de compréhension. Lack of wisdom. Manque de sagesse. It's bad. C'est mauvais. Will you get understanding? Allez-vous acquérir l'intelligence? Will you get understanding? Allez-vous acquérir l'intelligence? Will you get wisdom? Allez-vous acquérir la sagesse? Because you have more years. You are young. Tu es jeune. Most people 15 ans. Tu as 15 ans. 15 years, 20. 20 ans. There are few people who are above 24. Il y a peu de personnes qui sont au-dessus de 24 ans. Yeah. Most people are 20, 21, 22, 23, 18, 17. Beaucoup sont 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ans. Yeah. Yeah. It's bad. C'est mauvais. But we are teaching you, you are coming out of foolishness. Mais nous vous enseignons afin de sortir de la stupidité. Donc nous sortons de la confusion. Yeah. And the same with the boys. Et c'est la même chose avec les garçons. Same with the boys. La même chose avec les garçons. You get up in the morning, then you have erection. You don't know what tu to do with the erection. Tu te lèves le matin et tu es en érection. You don't know what to do. Tu ne sais pas quoi faire. Stéphane, have I said something bad? Stéphane, est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais? Should I stop? Est-ce que je dois arrêter? Get understanding. Acquiert l'intelligence. Get wisdom. Acquiert la sagesse. So in the face of all those development donc, au cours that de you tout have ce in développement your body, que tu as dans ton bad. Corps, c'est pas mauvais. God did not create them for a bad reason, for good reasons. Dieu ne les a pas créés pour une mauvaise raison, mais pour de bonnes raisons. Hallelujah. Amen. So if you have the understanding of that, it helps you to know what to do. Donc tu as la compréhension de ça, ça va t'aider à savoir quoi faire avec toi-même. Hallelujah. Mm-hmm. Are you with me? Mm-hmm. The Bible says that your body is the temple of the Holy Spirit. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Yeah. And you cannot join yourself with a harlot. Et tu peux pas te joindre toi-même avec une prostituée. Yeah. Harlot. So the Holy Spirit, if you are born again this evening, if you are here, you are born again. The Holy Spirit lives in you. Donc si tu es ici ce soir et tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vit en toi. Hallelujah. Amen. With all the feeling that you have in your body, the Holy Spirit is in you. Avec toutes les sensations que tu as dans ton corps, le Saint-Esprit est en toi. C'est un paradoxe. But if you get understanding, then you know what to do. Mais si tu acquiers l'intelligence, tu sauras quoi faire. Those feelings. Quand tu auras ces sensations. Hallelujah. Amen. Are you with me? Mm-hmm. Yeah. Yeah. So daughters. Donc filles. Understanding is coming. L'intelligence arrive. Hallelujah. Amen. Understanding is coming. L'intelligence arrive. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Understanding is coming. L'intelligence arrive. Yeah. Most of you, you are not ready to marry. Plusieurs d'entre vous, vous n'êtes pas prêts à vous marier. You are not ready to marry. Vous n'êtes pas prêts à vous marier. Yeah. You are not ready. Vous n'êtes pas prêts. Should I continue? Maybe. Huh? Maybe let me give you a personal advice. Okay, laissez-moi vous donner un conseil personnel. Personal advice. Un conseil personnel. You people, I won't say it again. You are laughing. Hallelujah. Let us read Proverbs chapter 4, verse 7. Lisons Proverbs chapter 4, verse 7 et verse 8. Hallelujah. Amen. You know, most of the young people, vous savez, la majorité des jeunes personnes, we destroy ourselves before we get understanding. Nous nous détruisons avant d'avoir acquis l'intelligence. Yeah. But tonight, mais cette nuit, you will get wisdom. Tu vas acquérir la sagesse and understanding, et l'intelligence. And you will not destroy yourself. Et tu ne vas pas te détruire toi-même. Yeah. Everybody here. Tout le monde ici. All of you. Vous tous. Maybe with the exception of one or two people. Peut-être avec l'exception de une ou deux personnes. You didn't start a relationship. Tu ne dois pas commencer une relation. In Ecclesiastes chapter 3. Dans Ecclesiastes chapitre 3. The Bible says that there is time for everything. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Is it time for marriage? Est-ce que c'est le temps pour le mariage? Are you ready to marry? Es-tu prêt à te marier? Then you don't need a relationship. Donc tu n'as pas besoin d'une relation. Yeah. I remember 2 years ago. Je me souviens il y a de cela 2 ans. 2 or 3 years ago. 2 ou 3 ans de cela. I was sitting here with a young lady. J'étais assis là-bas avec une jeune fille. Beautiful girl. Très jolie. 17, 18 years. Elle avait 17, 18 ans. And I told her. Et je lui ai dit. I mean, it just came that you are not ready for marriage. Je lui ai dit, tu n'es pas prêt à te marier. Your father sent you here to go to school. Ton père t'a envoyé ici pour aller à l'école. So, shut your mind off relationship. Donc, ferme tes yeux des relations. Your mind. Ferme tes pensées des relations. You don't need it now. Tu n'as pas besoin de ça maintenant. Hallelujah. Amen. Yeah, but recently. Et maintenant, récemment. I hear. J'ai entendu. Oh, I know, she told me. Ou je sais, elle m'a dit. Yeah. Be in a relationship, this relationship, this relationship. Confusion, total confusion. Qu'elle était dans cette relation, ensuite dans cette relation, ensuite dans cette and autre relation. And the boys are using her. Et les garçons l'utilisent. 18 years, 18 years, ans, 19 years. Ans, 20 ans. When she came, she was 18, now she's 20. Quand elle est venue, elle avait 18 ans, maintenant là, elle a 20 ans. Do you know what she's trying to do? Vous savez ce qu'elle she's essaie de faire? Her with this thing. Elle est en train de détruire son futur mariage avec ces choses. Yeah? You are spiritual. Parce que tu es en train d'acquérir des esprits. L'esprit d'infidélité arrive. Spirit of what? Divorce is L'esprit coming. L'esprit de divorce arrive. Spirit of deception. L'esprit de tromperie is arrive. Coming. Because you are moving between boys. This boy finished. This boy come. This one will come again. This one. Parce que tu jongles entre les so garçons. So what are you trying to say? Donc, one day when you marry, what will happen? Donc quand tu vas te marier, qu'est-ce qui va se passer? And anybody that you have sex with. Et toute personne avec qui tu auras des rapports sexuels. You attract some demons. Tu attires certains démons. And the demons will be sleeping in your body. Et les démons vont dormir dans ton corps. When you marry, then quand tu te maries, ils se réveillent. And you see that things will start to happen in your life. Et tu vas voir que les choses vont commencer à se passer dans ta vie. Oh là là. Oh là là. I tell you. Why do you want to bring somebody's problem to add to the curses that God has given you already? Pourquoi est-ce que tu veux prendre les problèmes de quelqu'un pour ajouter aux malédictions que tu as déjà? Wow. Wow. Daughter, get understanding. Fille, acquiert l'intelligence. Are you blessed? Êtes-vous béni? So let's read this. Donc lisons Proverbs chapter 4 verse 7 and 8. Wisdom is a principal thing. Therefore, get wisdom and will all thy getting get understanding. Exalt her and she shall promote thee. She shall bring thee unto Anna. Oh yeah, to Anna. Where thou doest embrace her. Proverbes 4, verset 7 à 8. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Wow. Wow. Wow. Somebody is getting promotion now because you have wisdom. Quelqu'un est en train d'avoir une promotion parce que tu as la sagesse. You are receiving honor. Tu reçois l'honneur. Because you embrace wisdom. Parce que tu embrasses la sagesse. Get a wisdom. Get wisdom. Acquiert la sagesse. Get wisdom. Acquiert la sagesse. Hallelujah. Amen. As a girl, as a lady, en tant qu'une fille, en tant qu'une demoiselle, acquiert la sagesse. Hallelujah. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? How? Comment? Pray for wisdom. Prie pour la sagesse. Pray for wisdom. Prie pour la sagesse. Pray for wisdom. Prie pour la sagesse. Yesterday, Kodesh LP Akos preached about Solomon. Hier à Kodesh, LP Akos a prêché au sujet de Salomon. Yeah. Solomon asked for wisdom. Salomon a demandé la sagesse. To know between bad and good, good and bad. Pour savoir entre le bien et le mal. That's what wisdom does. C'est ce que la sagesse wisdom fait. Will show you that this thing is not good. La sagesse va te montrer que this ça n'est pas good. Bien. Ça, c'est bon. So your decision, you know, when I'm taking bad decisions, you will know. Donc tu vas savoir quand tu vas prendre des mauvaises décisions. Yeah. Hallelujah. Amen. Wisdom. La sagesse. And the Bible says that because he asked for wisdom, la Bible dit que God parce qu'il a demandé added la sagesse, riches, Dieu a ajouté les prosperity. Richesses, la prospérité. Yeah, Solomon, richest person. Salomon est la personne la plus riche. Hallelujah. Amen. Are you with me? Avec so moi? Pray for wisdom. Donc prie pour la sagesse. James chapter 1 verse 5. James. Jacques chapitre 1 verset 5. James chapter 1 verse 5. Jacques chapitre 1. I'm closing soon. If any man lack wisdom. Do you lack wisdom? Yes. Yeah. We all lack wisdom. Do you lack wisdom? Yes. Yeah. Because you need wisdom in every area of your life. Every aspect. Every aspect. In relationship. In finances. Yeah. Some of us, we squander our Western in 3 days. Nous avons besoin de la sagesse dans tous les domaines de nos vies. L'école, les relations. Parce que certains d'entre nous, nous dépensons tout notre Western en 3 semaines. 3 days. En 3 jours. 3 days. Oh, your trois Western jours. Is finished. 3 jours, tout le Western est fini. Yeah, so you need wisdom. Donc tu as besoin de sagesse. All of us, we need wisdom. Nous tous, nous avons besoin de and sagesse. And James chapter 1 verse 5 says, if anyone lack, any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Wow. Amen. So ask. Donc demande. Pray for wisdom. Prie pour la sagesse. Pray for wisdom. Prie pour la don't sagesse. Pray for money. Ne prie pas pour l'argent. Don't pray for a man. Ne prie pas pour un homme. Or a girl. Ou une fille. Pray for wisdom. Prie pour la sagesse. Hallelujah. Amen. Yeah, from today. À partir d'aujourd'hui, prayer for wisdom should be part of your prayer topics. La prière pour la sagesse doit faire partie de tes sujets de prière. Prie toujours pour always la sagesse. Always pray for wisdom. Toujours prie always pour la sagesse. Always pray for wisdom. Prie toujours pour la sagesse. Yeah. You will know. Et tu sauras. What to do. Tu sauras quoi faire. With the wisdom. Avec la sagesse. God, the wisdom of God will promote you. La sagesse de Dieu va te promouvoir. It's not the wisdom of men. C'est pas la sagesse des hommes. What men are doing. Ce que les hommes font. The wisdom of this world is corrupted. La sagesse de ce monde est corrompue. Yeah. Focus your attention on the wisdom of God. Focalise ton attention sur la sagesse de Dieu. Focus your attention on Jesus Christ. Focalise ton attention sur Jésus-Christ. Yeah. Yeah. And I bring you to a second one. The first one, pray. Second one, study the word. Et la deuxième chose pour avoir la sagesse, c'est étudier la parole de Dieu. Yeah. Most of us, we don't know the word. Plusieurs d'entre nous ne connaissons pas la parole. Don't know the word. Nous ne connaissons pas la parole. And you attract somebody who doesn't know the word. Et tu vas attirer quelqu'un qui ne connaît pas la parole. As a girl, know the word. En tant qu'une fille, connais la parole. Study the word. Étudie la parole. Every day you should have a scripture that you are meditating on. Tous les jours, tu dois avoir un verset sur lequel you tu are médites. Reading a book. Tu lis un livre. A Christian book. Un livre chrétien. Read it. Lis-le. Hallelujah. Amen. And tonight I'll recommend, daughter, you can make it. Et ce soir, je vais vous recommander. Every girl here should have ma fille, tu peux le faire. Toute fille ici doit l'avoir. Yeah. You have a lot of wisdom. Tu auras beaucoup de sagesse dans ce livre. There's a lot of wisdom for girls, women. Il y a beaucoup de sagesse pour les filles, les femmes dans ce livre. Yeah. Go and buy it. Va l'acheter. And read it for yourself. Et lis-le pour toi-même. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Oh, why are you quiet? Pourquoi est-ce que vous êtes silencieux? You don't like what I'm saying. Vous n'aimez pas ce que je dis? Colossiens chapitre 2 verset 3. Colossiens 2 verset 3. The Bible says in whom, Colossians chapter 3, 2 verse 3, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Colossiens chapitre 2 verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Amen. Yeah. In whom? In God. En qui? In Dieu. Jesus Christ. En Jésus Christ. All the treasures sont cachés tous les trésors of wisdom and knowledge. De la sagesse et de l'intelligence. So the word of God is Jesus Christ. So as you meditate, as you study it. La parole de Dieu c'est Jésus Christ. Donc alors que tu la médites, tu l'étudies. You receive that wisdom. Tu vas recevoir cette sagesse that come from God. Qui vient de Dieu. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? The closer you get to God, le plus proche tu es de Dieu, the more you get wisdom for your life. Plus tu acquiers la sagesse pour ta vie. Get close to God. Ma fille, rapproche-toi and de study. Dieu et étudie. Meditate. Médite. Don't let some boy be a meditation. Ne laisse pas un garçon être ta méditation. A subject of meditation. Every day you are meditating un the boy. Un sujet de méditation. Tous les jours, tu médites sur le garçon. Yeah. At the end, you fornicate. À la fin, tu vas forniquer. Because that's why you're meditating. Parce que c'est pour cela que tu médites. Oh? Ou bien. When you meditate on the word of God, you get wisdom. Quand tu médites sur la parole de But Dieu, tu vas avoir la sagesse. When you meditate on a boy or a girl, you get fornication. Et quand tu médites sur un garçon ou une fille, tu vas acquérir la fornication. What I'm saying? You don't like what I'm saying. Ce que je dis, vous n'aimez pas ce que you je dis. You don't like what I'm saying. Vous n'aimez pas ce que je dis. The Bible says meditate day and night. La Bible dit médite jour and et observe nuit. Observe to do according to all that is written therein. Et observe afin de faire selon ce qui est for écrit. Then that shall have success. Pour ceux qui auront le succès. And that shall prosper. Et qui vont prospérer. Joshua chapter 1 verse 8. Josué chapitre 1 verset 8. Meditate. Médite. Study. Étudie. Learn. Apprends. Know. Connais. The scriptures. Les écritures. Yeah. So that a boy will come and not come and deceive you. Afin qu'un garçon ne vienne pas te tromper. Because you are easily deceived. Parce que tu es facilement trompé. You are weak. Tu es faible. You are a weaker vessel. Tu es un vase. It's the word faible. Of God that will strengthen you. La parole de Dieu qui va te fortifier. Oh. Ou bien. Yeah. You are easily deceived, so you need the word. Tu es facilement déçu, donc tu as besoin de la parole. Wow. You are easily deceived, so you need to get close to God. Tu es facilement trompé, donc tu dois te rapprocher de Dieu afin que Dieu te donne la force. As a girl. En tant qu'une fille. You don't need to be 50 years before you get wisdom. Tu ne dois pas avoir 50 ans avant d'être sage. Wow, are you blessed? Êtes-vous béni? Me myself, I'm blessed. Moi-même, je suis béni. I'm blessed. Je suis béni. Wow. Daughter, get the wisdom. get understanding. Acquiert l'intelligence. Wow. Are you here? Êtes-vous ici? Yeah. Yeah. Wisdom, wisdom. La sagesse. And you need the power. Et tu as besoin de la puissance. Power, power, puissance. The grace of God. La grâce de Dieu. Hallelujah. Amen. The power, the Christ, the power of God and the wisdom of God. Christ, la sagesse et la puissance de Dieu. Yeah. The power of God. La puissance de the Dieu. The grace of God. La grâce de Dieu. You receive grace. Tu vas recevoir la grâce et la puissance. Humility. À travers l'humilité. Yeah. So daughter, be humble. Donc ma fille, sois humble. Be humble. Sois humble. Be humble. Sois humble. Wow. Yeah. 1 Peter 5, 5. 1 Pierre 5, 5. First Peter 5, 5. That's the last scripture. 1 Pierre 5, 5. C'est le dernier. I think you are tired. It's me too, I'm tired. Je pense que vous êtes fatigué. Moi aussi, je suis fatigué. Hallelujah. Amen. It's 1 Peter 5, 5. 1 Pierre 5, 5. Likewise, ye younger, submit yourself unto the elder. Yea, you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resists the proud, and giveth grace to the humble. 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Wow. Wow. Is it a good advice? Est-ce que c'est un bon conseil? Yeah. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your cares upon him, for he cares for you. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Amen. One of the problems that we have as young people is pride. L'un des problèmes que nous avons en tant que jeunes gens, c'est l'orgueil. So we don't receive the grace, the power of God. Donc nous ne recevons pas la grâce et la puissance de Dieu. Hallelujah. Amen. Let us be humble. Soyons humbles. Humble yourself. Humilie-toi. And humility comes from humility in somebody when a person submits. Tu vois l'humilité dans quelqu'un quand la personne se soumet. Submit. Se soumet. Submit. Se soumet. Hallelujah. Amen. And obey. Et obéis. And take instructions. Et accepte l'instruction. Obey the word of God. Obéis à la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec Let moi? Let us be humble, and God will give us grace. Soyons humbles, et Dieu va nous donner la grâce. When you are proud, God resists you. Quand tu es orgueilleux, Dieu te résiste. God resists you. Dieu te résiste. I don't think we want to be resisted. Je ne pense pas que nous voulons être résistés. It's not a good thing for God to resist you. C'est pas une bonne chose que Already, Dieu te Already, the devil is resisting us. Déjà, le diable nous résiste. The devil is preventing us from succeeding. Le diable nous empêche de réussir. So if God also add himself, then si Dieu aussi s'ajoute. Then it's bad crap. Donc c'est mauvais. It's bad crap. Hallelujah. So let us all be humble. Donc soyons tous humbles. And we receive power. Et nous allons recevoir la puissance. When you pray. Quand tu pries. The devil cannot come. Le diable ne peut pas s'approcher. Hallelujah. Amen. Are you blessed? Êtes-vous béni? Stand on your feet. Levez-vous s'il vous plaît. Are you blessed? Are you blessed with Êtes-vous the word? Béni avec la parole? Daughter, get understanding. Ma fille, acquiert l'intelligence. Wow. Please close your eyes. Ferme and pray yeux. For a moment. For wisdom. Ask God to give you wisdom. Say God. James chapter 1. Jacques chapitre 1. Verse what? Verse 3. Verse 5. Is it verse 5? Verse 5. Verset 5. Yeah, verse 5. Verset 5. Yeah. I lack wisdom. Close your eyes. Ferme les yeux. I lack wisdom. Dis, je manque de sagesse. The Bible says I should ask. Et la Bible dit que je dois demander. And I'm asking. Et je demande. Because you say anyone who asks. Parce que tu as dit que quiconque demande. You give liberally. Tu donnes libéralement. Lord, give me wisdom. Dieu, donne-moi la sagesse. I need wisdom. J'ai besoin de la sagesse. I need wisdom. J'ai besoin de la sagesse. Because in Proverbs. Parce que dans Proverbes, chapter 4, chapitre 4, verse 7, verset 7, you said we should get wisdom. Tu as dit nous devons acquérir la sagesse. Verse 8, et verset 8, you said wisdom will promote me. Tu as dit la sagesse va nous promouvoir. Lord, give me wisdom. Dieu, donne-moi la sagesse. I need it. J'ai besoin de ça. I want it. J'ai besoin Tonight de ça. I'm praying for wisdom. Ce soir, je prie pour la In sagesse. In the name of Jesus Au nom Christ. De Jésus. Oh, we need wisdom. Nous avons besoin de sagesse. In our studies. Dans nos études. In our personal life. Dans nos vies personnelles. In our life in church. Dans nos vies à l'église. We need wisdom. Nous avons besoin de in sagesse. In our relationship. Dans nos relations. In our finances. Dans nos finances. Oh Lord, we need wisdom. Au Seigneur, nous avons besoin I de need sagesse. Wisdom. J'ai besoin de sagesse. Give me wisdom. Donne-moi la sagesse. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. And help me to study your word. Et aide-moi à étudier ta parole. Help me to be humble. Aide-moi à être humble. Show me humility. Donne-moi l'humilité. Like Christ was humble. Comme Christ était And he came down et il est and became a man il est devenu un and homme. Submit himself. Et il s'est soumis lui-même. Oh Lord, I want to be humble. Oh Seigneur, je I want être to submit un. Myself. Je veux me soumettre I want to obey instructions. Je veux obéir aux in the name of Jesus au Christ. Nom de Jésus. Father, I thank you. I bless you. I bless you. I give you glory. Give us wisdom. Young people, Lord, we are young, but we need wisdom. Young people need wisdom. No older people. We need wisdom. Father, give us wisdom in the name of Jesus. And everyone say amen. Amen. Wow, shall we clap our hands? Applaudissons. Hallelujah. Before we sit down, I want to give you the opportunity. Close Avant your de s'asseoir, eyes. Fermez vos yeux. If you are not born again, si tu n'es pas né de nouveau, and you want to give your life to Christ tonight, the Bible says, unless. Et tu veux donner ta vie à Christ, la Bible dit, à moins que. You give your life to Christ. Tu donnes ta vie à Christ. Unless you are born again, à moins que tu ne sois né de nouveau, you cannot see the kingdom of God. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. And tonight I want to give you the opportunity. Ce soir, je vais te donner to give your life to Christ. De donner ta vie à Christ. If you are here, lift up your hands. Si tu es ici, lève ta main. Pray with et you. Prions, et je vais prier avec toi. As we close, alors que nous terminons. It's a Thursday evening. C'est un jeudi. It's a day of salvation. C'est un jour du salut. Give your life to Christ. Donne ta vie à Christ. Is anybody there? Lift up your hands. I want to see ici. Your hand. Ta main. Je veux voir you want ta to main. Give your life to Christ. I want to see your hand. Je veux donner ta vie before à Christ, we go, ta main. Avant de partir, before we go, avant Father, de partir. We bless you. We thank you. I give glory for salvation in the name of Jesus. And everyone say amen. Amen. Please be seated.